de soirée, mes beautés sirènes, moi ta paix gardienne. Naléli maman, solo Naléli, vraiment je suis malade. Oh Jocelyne, si je te vois passer, mon cœur est malade, mais vraiment malade. Oh Jocelyne, hey. Wally Timbigi, chérie Jocelyne, quand tu mets ta robe de soirée, mes beautés sirènes, moi ta paix cardiaque. La fille à la robe magique. Oh maman, Jocelyne, hey. Wally Timbigi, chérie Jocelyne, quand tu mets ta robe de soirée, mes beautés sirènes, moi ta paix cardiaque. pas bouger. Faut pas bouger Paris là. Mom! Bangui Soise. Lolo, la Bangui Soise. Eka. Abuela, abuela, pongo, mango. Partagez